solitude bleue. Quand des soleils pastels écrasent la lumière au nez de la fenêtre, enluminée d'étoiles, dernière hésitation d'un automne trop vieux. Déjà l'hiver est jeune et cligne des paupières. Sous les cils des regards battent de nouveaux feux. Sous les cils des regards battent de nouveaux feux. Attends le vent et couve sous la cendre en rêvant à cet arbre à la racine enfouie. Quand dévorant la terre et déchirant son voile, elle lâchait au ciel quelques pétales tendres à pépère un nuage à ses rameaux fleuris. Elle rêve et soupire et ne sait plus qu'attendre. Elle rêve et soupire et ne sait plus qu'attendre. Qui franchirait l'été et ses fruits éphémères avalés par la terre au délicieux tourment qu'on appelle la vie. Cette lente agonie que l'on sent exister, cette vie dont parfois on ne sait plus que faire, cette braise qui couve qu'on lui donne à brûler, cette braise qui couve qu'on lui donne à brûler. On lui donne à brûler ses ailes et ses rêves dans ces matins gris bleus à soupir de novembre. Quand des hérons tardifs lancent parfois leur cri, qu'on lui donne à brûler, qu'on lui donne sans trêve des souvenirs d'amour et de reins qui se cambrent, d'enfants courant joyeux au matin qui se lève, d'enfants courant joyeux au matin qui se lève. Des montagnes de roc ruisselant de miroirs et des forêts entières offertes à l'orage, des sourires amis, la main toujours tendue, qu'on lui donne à brûler la souffrance et l'espoir. Ce bois dur au cœur tendre, à la sève en partage, d'une terre où s'achève le rêve d'un seul soir, d'une terre où s'achève le rêve d'un seul soir. Et les matins givrés de solitude bleue s'éclairent d'un reflet de joie et de lumière. Les étoiles et le vent nous parlent d'inconnus, le cœur toujours vivant nous pressant vers le feu. Nous accueillons l'hiver, franchissant la frontière, nous souvenant d'un temps passé sous d'autres cieux. Nous souvenant d'un temps passé sous d'autres cieux.